En Corée, le secteur de l'industrie légère obtient des succès considérables. Les scientifiques et techniciens de l'industrie légère ont réuni l'intelligence créatrice pour mettre au point nombre de problèmes scientifiques de valeur et les introduisent dans la production. Les usines relevant du ministère de l'industrie légère ont mis au point rien que cette année plus de 900 nouvelles espèces. Les usines près le ministère de l'industrie de transformation alimentaire et des articles d'usage courant aussi ont modernisé divers processus de production et accordent l'intérêt à la diversification d'espèces et de formes et à l'amélioration de la qualité tout en faisant promouvoir les recherches de divers produits fonctionnels. Les cadres et travailleurs de l'industrie légère tels que la filature Kim Jong-suk de Pyongyang, la fabrique de tricot de Sungyo et la fabrique de chaussures de Wonsan redynamisent l'exploitation de nouveaux produits basés sur les matières premières et matériaux du pays.